Somnambule, somnambule, je voudrais être somnambule. Comme une bulle de savon s'envole dans l'air, s'enfuit de la terre. Sur ma route verticale, me poser un instant sur une étoile. Somnambule, somnambule, je voudrais être somnambule. Dans un train d'années-lumière, faire un grand voyage autour de l'univers. Faire escale sur Saturne et d'un seul bond me retrouver sur Vénus. Je voudrais être somnambule. Nous irons par le météore, direction Alpha de Centaure. Dans un château tout en cristal, pour nous aimer à la barbe des étoiles. C'est la nuit et je ne dors pas. Mes chevaux de rêve foncent vers nul part. Mon bateau de rêve est rentré au